Hey Capoué, Capoué, et j'ai une super blague que je veux mettre dans le podcast. Je vais en parler à GG Van Rome pour validation. Attends, attends, je reviens. T'es sûr que tu veux pas qu'on en parle avant? Parce que tu sais, hein, en général, tes blagues... Hey, j'y vais. J'ai hâte de voir ça, tiens. Bon, alors, les news, c'est prêt. Les rubriques, pareil. En parlant de ça, qu'est-ce qui vient foutre là, celui-là? Toc, toc, toc! Oui, Kawaii, tu sais que t'as pas besoin de dire toc, toc, toc, je t'ai vu à travers la porte. Hein. Enfin, ça te fait plaisir de passer plusieurs minutes à chercher des bruitages sur YouTube. C'est très méta ce que tu dis, mais je viens de voir pour te raconter une blague! Une blague? D'accord, je t'écoute. Alors, c'est Mario, il arrive dans la dernière pièce du château, et là, il y a Todd qui lui dit que la princesse, elle est dans un autre château! Tu sais, Kawaii Matt, moi, je crois qu'il faut plus que t'essayes de faire des blagues. Ça te fatigue, déjà, et pour les autres, tu te rends pas compte de ce que c'est. Moi, quand tu fais ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais te tuer, je crois, de chagrin. Je te jure, c'est pas bien. Il ne faut plus que tu fasses des blagues dans tes podcasts. Allez, file de là. Hé, hey, hey, on peut avoir des jeux, parce qu'on bosse depuis 7 mois maintenant, on veut bien des clés de jeu, nous aussi. Dehors! Alors? Je crois que tu vas continuer à faire des blagues, en fait. Bon, eh bien, générique, alors. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Nintendo Master. Nous reviendrons sur les news du mois de juin. On vous en parlait déjà le mois dernier, notre ami Amano en a presque fini avec la série de l'histoire de Nintendo. Des épisodes bimensuels qui nous ont permis à tous de retracer les échecs et les réussites de la firme du plombier moustachu. Et qui de mieux pour en parler qu'Amano lui-même ? Suite à un problème technique, Amano a été remplacé par un androïde répliquant la pensée du rédacteur susnommé. Afin de ne pas éveiller les soupçons, Kawaii Matt et Capoué n'ont pas été informés. Veuillez nous excuser pour le dérangement. Salut, salut. Ma rubrique se finit très bientôt, alors je tape l'incruste dans votre podcast, vous m'en voulez pas ? Ce sera également l'occasion de rappeler à certains que non, Fairy Tail n'est pas un excellent jeu, ce n'est même pas un excellent manga. Je quitte ce podcast ! Bon allez, fais pas l'andouille, reviens, j'ai les mêmes à la maison ! Cette mauvaise foi devant tant de vérité. Vive One Piece, Demon Slayer et Actage. Bon, qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Il me chauffe là ou quoi ? Et oh oh oh, Capoué, c'est un invité, on a dit quoi ? Pas taper les invités, chacun son avis et chacun ses goûts, même s'ils sont des goûts particuliers. Voilà. Allez, Amano, on t'écoute. Moi au moins, je sais prononcer les pseudos des membres de Nintendo Master. Allez, on enchaîne, hein. Mais attends, c'est moi qui prononce pas les pseudos, là. Capoué, Capoué, on change la règle. Ah là là, quelle bande de branquignoles. Alors, je disais, la rubrique se finit très bientôt et vous le savez vous aussi dans les commentaires. Je tiens à remercier tous ceux qui ont lu mes dossiers et qui m'ont laissé des commentaires encourageants. Mention spéciale à Mario Master 2, qui était là à chaque épisode pour me laisser un gentil commentaire. Merci également à Goku-san, Matt7160 et Trudouk avec un K pour vos gentils retours. C'est grâce à vous que j'ai déployé toute cette énergie pour aller chercher tous les détails nécessaires à la constitution de ces dossiers. Merci à Mano d'être pas fait nous foire. Fu revient quand fut feu. Voilà, je vous remercie tous, que vous ayez suivi la rubrique sur Nintendo Master ou sur mon blog. Merci à tous, et peut-être à bientôt. Je vous laisse avec les deux zigotos. Et rendez-vous le dimanche 11 juillet pour l'ultime épisode de l'histoire de Nintendo. Allez Capoué, ramasse tes dents, on a un podcast à continuer là. Putain, qui a laissé traîner ses dents par terre là? On peut plus circuler tranquille. Qui c'est qui a mis ça là? Et puis bien sûr, c'est pas bouger le cul pour balayer. Fais-moi, pardon, je vais tout ramasser, hein, pardon. C'est la saison des mariages dans Animal Crossing. Sortez les cotillons pour décorer la maison de Serge et Risette en vous rendant sur l'île de Joe. Luke Doom s'est découverte une vocation de wedding planner en combinant les éléments mis à disposition et quelques décorations personnalisées pour l'occasion. Pour l'occasion, elle se serait même mise au clavier pour jouer de l'orgue, mais c'est un peu hors budget. DHM077 est un crack et file les infos à Lookdoom pour maximiser l'utilisation des cristaux. D'ici 9 mois, on aura le droit de refaire la déco de la maison pour l'arrivée du petit bébé de Serge et Risette qui se seront amusés à saut de mouton. Ils vont l'appeler comment le gamin? Ils vont l'appeler Jean-Michel. Ben voilà, comme ça tu pourras prononcer son nom. Bon, il y a également une mise à jour hein, qui est prévue pour le 3 juillet. Non, attends, je vais la refaire parce que, bon, si jamais on publie ce numéro un peu après le 3 juillet. La mise à jour du 3 juillet a apporté son lot de nouveautés. C'est plus crédible là. Notamment la possibilité de faire de la plongée. Un bon moyen d'attraper d'autres créatures marines pour le musée de Thibou. Bonne nouvelle pour ceux qui jouent encore au jeu, quoi. Contrairement à Antolin qui a du mal avec les jeux dont le contenu s'étoffe seulement plusieurs mois après. Il est tout simplement passé à autre chose. Ça y est, le DLC de Pokémon Épée et Bouclier est sorti et ça fait plaisir aux gens. Beaucoup de contenu que nous ne listerons pas, hein, tellement il y a d'ajouts au jeu principal. Nous vous invitons à venir sur le site Nintendo Master et à venir lire les différents articles sur ce sujet. Certains fans s'amusent même simplement à chasser des Topikeurs. En effet, hein, certaines missions de ce DLC demandent de chasser 150 Topikeurs. Ça en fait des trous dans le sol. Vous pourrez retrouver la première heure de cette extension en vidéo sur le site. Non, je ne ferai pas de blague là-dessus, c'est un podcast tout public, et de toute façon, une heure de vidéo, c'est presque le temps pour faire un DLC en entier, alors bon... Tu as un problème, Kawaii. Non, c'est juste que j'ai pas pensé à sauvegarder alors que j'en étais à 120 topiqueurs, c'est tout. Ah bah oui, ça c'est bête en effet. Mais bon, et attends, mais je croyais qu'il y avait la sauvegarde automatique dans cet opus. Ouais, quand tu rentres dans un bâtiment, mais j'avais fait le stock pour tout enchaîner en une seule fois, je me suis planté, quoi. Ah. Ben là, en effet, c'est dommage. Eh ben écoute, la prochaine fois, joue en mode salon. Au moins, t'auras pas de soucis de batterie sur ta Switch. La Game Gear Micro est annoncée par Sega et c'est, comment dire, c'est pas folichon. Des petits machins qui tiennent dans la main et qui ne contiennent que 4 jeux chacun, c'est un peu pauvre tout ça. Hein. Dans les commentaires, Anna Baff pense comme nous. Il faut arrêter avec cette mode de la miniaturisation au point de réduire la taille de l'écran pour nécessiter l'utilisation d'une loupe. Xiela 2B et Radical rejoignent THM077 et sont parfaitement clairs. Il n'y a aucune utilité à cet objet. Matt6160 nous dit que la Game Boy Micro encore était jouable. Là, on est face à des porte-clés. Goku-san, Patou2B, Yuri et P. Babarcho se joignent à la chorale pour chanter en chœur. I am the great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. Au début du mois, Madame Ikumi Nakamura indiquait qu'elle était prête à lancer la suite d'Okami. Bah, qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Capoué! Quoi? Mais il est pas sorti? Mais... Amano, qu'est-ce que tu fous, là? Je tenais simplement à rendre justice à ce monument du jeu vidéo que vous devriez citer dans chaque podcast. Et il a pas tort, cela dit. En effet, Okami, c'est un jeu qui a connu un tel nombre de ravalements que Régine serait jalouse. Alors, je pense pas qu'Amano et une bonne partie de nos auditeurs ne connaissent Régine. T'as pas un autre exemple? Cher? Connais pas. Bon, tant pis. Bref, Okami est un jeu où l'on incarne un loup blanc devant sauver le monde d'une menace démoniaque. Vous avez dit Twilight Princess? Pas faux. Dans les commentaires, cette annonce d'un deuxième volet intéresse grandement Mario Master 2 qui vient d'apprendre que le jeu est sorti sur l'eShop, ainsi qu'Amano. Eh, je suis là, non Méo. Tena Bene nous dit que le premier volet n'a pas pris une ride. C'est l'effet cell shading, ça marche à tous les coups. Goku-san s'est arrêté au bout de 5 heures de jeu, ce que Radical et moi-même, nous lui conseillons de dépasser pour être totalement impliqué dans les multiples thèmes qu'aborde ce jeu. En résumé, ce premier volet est une vraie réussite, le second volet est plus que souhaitable. Merci Amano d'avoir été avec nous, laisse-moi te raccompagner vers la porte du studio. Mais quel studio? Vous enregistrez de chez vous et... Attatatata, allez, merci, au revoir hein. Un grand et chaleureux merci à tous ceux qui nous encouragent à faire ce podcast. Vos commentaires sont dithyrambiques. Tyrambiques. Malgré vos profils différents, Férant. Vous êtes dans l'ensemble divertis. Verti. Par nos bêtises. Nous accueillons même un nouveau venu en la personne de Jean-Michel Aplati qui viendra distiller ses commentaires sur le site Nintendo Master. Bref, encore merci pour vos encouragements. Contrairement à certains articles de ce site, nous pouvons dire ici que sur ce podcast, aucun avis diverge. Ah, tiens, Capouche, t'entends plus? Non mais j'ai rien à rajouter en fait. C'est honteux! Alors, comment construire un très long pont? Capri, je sais pas ce qui te prend, mais ici, c'est pas un podcast de bricolage, hein. Comment construire un pont dans Animal Crossing? Ah ouais, bah finis tes phrases aussi. Faut pas laisser une longue pause dramatique comme ça après ta question. Non, ce qui est dramatique, Kawaii, c'est que tu ne me laisses même pas s'exprimer. Riffraff, qui rapporte cette création de la youtubeuse Emma Universe, qui a créé un pont gigantesque en utilisant la terraformation. Dans les commentaires, TipTop 4000 et Lungdun admirent le travail. Floridan regrette que le son de marche sur le lino le sorte de l'immersion pourtant si bien travaillé. Lookdoom conclut sur la durée de vie quasi infinie du jeu qui va certainement nous réserver encore de belles créations comme celle-ci. T'as vraiment cru que j'allais parler de la construction d'un pont? Ouais, j'avoue, j'ai flippé. La dernière fois que j'ai monté un meuble, je me suis planté une écharpe dans le doigt, alors construire un pont, tu comprends... Oh, la petite chance fragile, mon kawaii nouné. Oui. Tiens, alors attends, puisqu'on est sur Animal Crossing... Est-ce que tu sais quel personnage a été jugé le plus agaçant? Ah oui, je sais, c'est l'autre alcoolique de la mairie, là. Ouais, elle-même, Marie. Et oui, suite au grand succès du jeu, la plupart des joueurs se rendent compte que Marie, malgré son côté attachant, eh bien, c'est une fonctionnaire qui ne fait pas grand-chose. Batou de B serait même prêt à la virer. Tout comme Team Top 4000, Anna Baff et THN017. Ce n'est pas l'avis de Luc Dune qui estime que Marie représente parfaitement la collègue de bureau agaçante et qui n'a rien à dire. Mais en fait, au final, si elle sert à rien... Jean-Michel Aplati, quant à lui, trouve bizarre que personne ne dise que Tom Nook ne servait à rien quand il faisait les annonces à la place de Marie. Probablement par peur de payer plus cher son crédit, hein. Alors Marie est là pour masquer un temps de chargement de l'île. Parler pour ne rien dire, pour masquer un temps de chargement de la vie, c'est l'administration. Luc Dune a raison, finalement. Nous voulons le laisser passer à 38. Hein? Le laisser passer à 38. Gods and Monsters, c'est le nouveau jeu d'Ubisoft, qui semble être une copie de Breath of the Wild. Il a fuité sur Google Stadia. Sur quoi? Google Stadia. Non, je connais pas. C'est une nouvelle enceinte connectée? On va dire ça. C'est surtout une nouvelle manière de jouer. Je m'explique. Google Stadia, c'est la promesse d'accéder rapidement à tous les jeux AAA avec une simple connexion internet et l'abonnement adéquat. Enfin, vaut mieux avoir la fibre, quoi. Les jeux sont diffusés chez vous et le tour est joué. Et alors, du coup, quel est le rapport avec Gods and Monsters? Ah oui, j'y viens. Une démo jouable a fuité sur le store de Google Stadia. Bon, même si le jeu est encore en phase alpha, il y a encore beaucoup de bugs et de points à corriger. Ce jeu ressemble vraiment beaucoup à The Legend of Zelda Breath of the Wild, et vous êtes beaucoup à l'avoir remarqué dans les commentaires. Izoku, Goku-san et Manuto le constatent en effet, mais si la direction artistique ou tout autre font l'affaire, eh bien pourquoi pas? Manuto ajoute même que les menus, les dialogues, etc. ressemblent étrangement à Assassin's Creed Odyssey. Alors c'est logique, hein, quand on sait que c'est la même équipe qui développe ce jeu. Aeron, Chaos 13 ou encore Joffrey, quant à eux, sont beaucoup moins enthousiastes que les autres, et trouvent que le jeu est ultra buggé et qu'il fait peine à voir. Alors, je trouve que c'est dur de juger un jeu avant même sa sortie, laissons-leur la chance de rattraper tout ça. Et si les bugs sont corrigés, alors ouais, pourquoi pas, je rejoins le premier groupe. Gods and Monsters devait sortir en février 2020, mais au vu de la situation, il a été repoussé au 1er avril 2021. Well, excuse me, princess. L'éditeur de jeux Microïds fait parler de lui en ce mois de juin. Stop! Stop, stop, stop, stop, stop, c'est mon passage, ça. Ok, si tu veux, mais pourquoi? Tu vas comprendre. Ok. Mesdames et messieurs, je ne me porte pas garant de ce qui va suivre, et je décline toute responsabilité. Microïds, éditeur et distributeur de jeux français, a déjà 32 ans. Cette société, surtout spécialisée dans les adaptations, est à l'origine des jeux 13, la saga des Siberia, ou plus récemment, de Astérix et Obélix, XXL 2 et... 3. Le menhir de cristal. Nous pourrions vous parler de ce jeu justement, qui est très adapté de la célèbre bande dessinée du même nom, qui s'offre un remake pour le mois de novembre et la hype qui en découle. C'est vrai qu'on peut en parler, et d'ailleurs, dans les commentaires, tout le monde attend ces remakes de jeux sortis en 2003. J'ai dit que c'était mon moment. Ah, pardon, je me retire. Mais ce serait bien la première fois. Enfin bref, ce qui va attirer mon attention, ce sont deux nouvelles. La première, l'annonce d'un futur jeu Koh-Lanta sur console. Adventure Line Productions, plus communément appelée ALP, et sa présidente, Alexia Laroche-Joubert, et Microïds, s'allient une nouvelle fois pour adapter le jeu d'aventure. Sera-t-il identique au jeu sorti il y a quelques années sur Nintendo DS? Affaire à suivre. Oh non, je sais de quoi il veut parler. Bon, sans rire, on en a pour un moment, là. ALP est également la société de production d'un autre jeu d'aventure qui, lui aussi, a eu droit à ses adaptations en jeu vidéo. Non. On peut passer à la news d'après ? Allez, on passe. Non, je te jure, c'est mieux pour tout le monde qu'Apoué. Fort Boyard ! Oh non ! Après un jeu extrêmement décevant l'année dernière, Microids récidive avec Fort Boyard nouvelle édition. Avec plus de 26 épreuves, duels et aventures, ce jeu s'en sort plutôt pas mal. Hein. L'ajout des nouveautés de la saison 2019, hein, comme le Temple Maudit, le Boyard d'Hôtel ou encore le Duel des Arbalètes, c'est bien, ça se voit et ça fait plaisir. On peut quand même regretter la voix des personnages qui ne sont pas celles des voix officielles, ainsi qu'un manque de diversité dans les duels face au maître du temps. Certaines choses, comme la sélection de son nom, de sa profession et de ses hobbies, peuvent faire sourire, et certains fans peuvent même choisir des noms comme Doc, Marty, Le Bon, La Brute, Le Truand, ou des prénoms plus simples, hein, comme Thiago, Clément, Liv, Stéphanie, enfin bon, y a le choix. Oh, c'est déjà assez long comme chronique, on peut... Mais aussi un ajout qui est assez fun, le choix de son nom d'équipe. Le jeu nous propose plusieurs combinaisons qui deviendront au final notre cri de guerre. Alors, est-ce que l'équipe des licornes à Charleroi ou celle des joueurs du grenier battront-ils le record de guerre de l'émission ? Eh bien, cela, ça ne tient qu'à vous. Ça y est, c'est fini ? Tu as lu les commentaires aussi ? Alors, non, parce qu'en fait, il n'y a pas de test de ce jeu sur le site. Enfin, voilà, du coup, je l'ai fait. J'ai fait le test. Mon coup n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Souvent, je suis dressé et sans bon la marée. Qui suis-je ? Au cours de ce mois de juin, nous n'avons pas une, mais deux bandes-annonces pour la sortie le 30 juillet 2020 de Fairy Tail ! Ah non, ça suffit, on passe à la suite, hein. Quelle indignité. Si la Nintendo Switch cartonne en ce moment, c'est grâce à la stratégie offensive de Nintendo qui ne lâche rien. Non, je déconne, en vrai, c'est surtout faute de combattants. C'est l'article écrit par Riff Raff qui tente de faire un comparatif entre la PS5 de Sony, qui montre enfin ses attributs et ses jeux. Le design de la console surprend, et à la fois intrigue. Elle se décline même en version sans lecteur Blu-ray, histoire de faire baisser un peu l'addition. Et déjà dans les commentaires, la guerre des consoles reprend de plus belle. Oui. C'est tout ? Et même pas tu lis les commentaires ? Si, mais bon, j'ai trop parlé avant avec Microids et Fort Boyard, alors bon, je te laisse la place. Je reviendrai dans la news d'après. Ah, bah c'est sympa ça. Alors attends, j'ouvre l'article. Ah, voilà. Eh ben, oh la vache, mais ça tire à balles réelles, là. Non, sans rire, t'es dégueulasse, me laisse pas comme ça. Bon, allez, c'est parti. Alors, Jabtrantit dit que ce sera la PS5, sa console de salon, et il gardera la Switch pour les jeux portables. Maduto qui trouve que commencer la conférence avec le remaster d'un remaster, il faut en avoir dans le caleçon. Mat6160 et Antoling qui, eux, se tournent vers le frigo, vers la Xbox Series X, et Izuku enclenche la bombe en disant attendre la PS5 parce que le design ne lui plaît pas, mais que dans tous les cas, sa Switch va finir à la poubelle, puisque ce ne sont que des portages de jeux Wii U, sur ce côté-là, on ne peut pas lui donner tort. Garmis essaye de le raisonner tant bien que mal en disant que Sony et Nintendo ne jouent pas dans les mêmes catégories, donc pas de débat à avoir. On le sait tous que la Switch n'est pas une console puissante et qu'elle a des graphismes limites, mais bon, au moins on arrive à s'amuser et c'est ce qui compte, hein. À quand la paix ? Nous sommes tous des joueurs ! Il vaut mieux découvrir de superbes jeux ou des moins bons plutôt que de ne pas jouer du tout. Nous sommes des joueurs, point ! Oh, c'est beau ce que tu dis, Capoué. Mais je croyais que tu parlais plus jusqu'à la fin de la prochaine news. Oui, mais j'aime pas la guerre. Adour, c'est la guerre ! Oh mon Dieu, est-ce qu'il sait ce qu'il dit ? Là, honnêtement, je saurais pas dire. Ah, alors voilà quelque chose qui n'arrange rien sur cette pauvre Switch. Le test de The Outer Worlds par Arwena Vampire est sorti le 16 juin et, comment dire, elle a été très sympa. Ah, oui, là par contre... Enfin bref, The Outer Worlds est un jeu d'exploration dans la lignée des Borderlands ou des Fallout sortis sur PC, Xbox One et PS4. Les studios Virtuose ont réalisé un simple portage du jeu sur la Switch, en sacrifiant un bon nombre de choses pour que la console soit capable de la faire tourner. Bon, ok, je vais percer l'abcès tout de suite. C'est moche ! C'est très moche ! Et ne pensez pas que mettre la console sur le dock va arranger les choses, bien au contraire. Vous aurez juste des pixels plus gros. Heureusement que la boussole indique l'emplacement des ennemis à tuer, sinon c'est très compliqué. Des ralentissements sont à prévoir également dans les villes animées avec beaucoup de PNJ. Les temps de chargement entre les zones sont rallongés, et il vaut mieux jouer au pad pro qu'avec les Joy-Con. Avec de tels défauts, on peut se demander pourquoi lui donner la note de 7 sur 10 ? Vous êtes nombreux dans les commentaires à vous poser la même question. Goku-san, Patou 2B, Bourneville, hein, Xiela 2B et tous les autres sont unanimes. The Outer Worlds est un bon jeu. Mais sur les autres consoles ou sur PC ? Sur Switch, c'est plutôt à éviter quand même. Match, pourquoi vous êtes laide ? Mais je ne suis pas laide. Oh non, croyez-moi, vous êtes très très laide, Match. À preuve, vous tapez un 10 au laide chronomètre. Tenez ça. Et Capoué ? Tu te souviens quand on observait la voisine du balcon d'en face? Celle qui jouait à sa Nintendo 64? Ouais, même qu'elle jouait à Pokémon Snap, un jeu où tu devais bolosser les Pokémon pour les prendre en photo sous le meilleur angle. Ah oui, c'est vrai. Mais, d'ailleurs, à ce sujet, Nintendo nous annonce la sortie de New Pokémon Snap. Ultra, Turbo, Alpha, Prime? Non, c'est un remake. Une suite en même temps dans l'aventure de Pokémon Snap. Par contre, l'objectif sera toujours le même. Photographier nos chers monstres de poche dans leur élément naturel. Dans les commentaires, je retiens tout d'abord celui de Joff qui m'a fait marrer en déclarant qu'il y aura au moins un jeu Pokémon sur Switch avec de vrais arbres et de bonnes animations. Radical, qui n'a pas connu l'opus original, se gratte la tête en se demandant si c'est pas un jeu un peu léger tout ça, ce que Béba Ascour ne semble pas contredire. Mais c'était aussi les contraintes de la N64. Peut-être que ce jeu sera plus étoffé. Antolink, Donny Link, Mr. John sont enthousiastes à l'idée de pouvoir jouer à ce nouvel opus de la série. Et Manushiwa lance une idée, celui de la VR. Ce sur quoi P. Grotte Lasco rebondit en évoquant Nintendo Labo. Ah, c'est pas une mauvaise idée, hein. Et pour terminer, je ne peux pas résister à vous imiter le professeur Chen et son fameux... Te revoilà. Nous pourrions vous parler de cette youtubeuse qui a créé une Nintendo Switch XXL qui fonctionne, ou de la sortie du jeu Bob l'éponge, la bataille de Bikini Bottom qui s'offre un remaster. Oui, ou encore de ce guide de The Legend of Zelda sur NES entièrement fait à la main. Ou encore de Pokémon Unite, hein, ce jeu qui ressemble fortement à League of Legends, mais avec nos monstres de poche. C'est vrai, nous pourrions aussi parler de ce fan chinois qui accuse The Pokémon Company d'avoir copié son jeu, un fan game qu'il a réalisé 10 ans auparavant, ou encore des fans furieux qui pensaient avoir un Pokémon Let's Go 2 avec la région de Johto. Oui, nous pourrions parler de tout ça, et nous l'avons fait. Et nous sommes à la fin de cette édition des news du mois de juin. Wow. Alors ça, c'est de la fin expédiée. C'est pas Chronopost qui aurait fait ça. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et nous suivre sur les différents réseaux. Car oui, maintenant ce podcast est disponible un peu partout et même sur iTunes. Ouais, allez-y vérifier. Nous vous rappelons que si vous souhaitez que votre pseudo soit cité dans ce podcast, une seule solution, réagir aux news du site Nintendo Master. Et si le sujet est traité dans cette émission, il y a de fortes chances pour que votre commentaire soit relayé. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont suivis au cours de ces premiers numéros, car oui, la saison 1 du podcast Nintendo Master est terminée. Quoi ? Déjà ? Mais on vient de commencer ! Puis je me suis attaché aux commentaires et tout ! Et on n'a même pas une récompense pour tout ce travail acharné ! Et non, mais calme-toi, j'ai jamais dit qu'on s'arrêtait là ! Et d'ailleurs, le soutien des auditeurs est la plus belle des récompenses. Non, mais c'est vrai, mais... Comment ça ? Mais qu'est-ce que... Enfin, tu veux dire que... Oui, mon capoué, il y aura une saison 2. Mais pour l'instant, c'est les vacances. Donc, le mois prochain, vous retrouverez l'édition spéciale de votre podcast préféré. J'ai gardé les rushs de nos enregistrements. On va faire un best-of et un bêtisier. Avant de revenir en force début septembre pour décortiquer toute l'actualité de ces 2 mois de vacances. Bon, et bien alors, dans ce cas... Nous vous souhaitons de passer d'excellentes vacances d'été. Profitez du soleil, mettez de la crème solaire et vos masques et tout ira bien. Merci également aux modérateurs du site et à tous les rédacteurs du site pour leurs articles. Merci à la direction pour nous laisser autant faire les andouilles. Et merci à vous de nous soutenir toujours plus nombreux chaque mois. Merci également pour Sunny Moon pour le générique que vous pouvez retrouver sur son SoundCloud, également sur Spotify. On se retrouve sur les différents réseaux, que ce soit Discord, Twitter ou même sur la chaîne Twitch de Capoué. Tous les liens seront dans la description. On vous fait tout plein de bisous, mais sur le coude, et rendez-vous en septembre pour la saison 2. Salut à tous !